J'ai dit au revoir au soleil couchant qui va mourant dans l'océan. J'ai pensé à la fille qui est loin, dont je n'ai jamais pris la main. Le temps et la distance sont comme les clés de nos prisons. Elle a écrit son nom sur tous les murs comme une interrogation. Mais elle cachait son visage derrière ses mains. Je me demande si elle cachait un sourire ou des pleurs. Wow. Comme des étoiles posées sur l'eau. Dans sa robe de nuage, elle m'a donné une image. L'image que ma prison n'était qu'un rempart d'illusion. Mais elle cachait son visage derrière ses mains. Je me demande si elle cachait un sourire. Je l'attendrai de...